n'y a pas un amour au-delà de l'amour de notre Dieu. L'amour de Dieu surpasse toutes choses. Il nous a aimés le premier. Bien que nous étions une masse informe vide, il nous connaissait et il nous a aimés en nous donnant son fils Jésus. Quel amour de donner tout ce qu'on a de plus précieux. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant pour cet amour, pour ton peuple. Nous te bénissons et nous t'élevons. Le peuple de Dieu peut acclamer pour Amen. L'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, laissez-moi rendre gloire à Dieu. Acha kwanza nimtukuze kwa Mungu. Parce que ce n'est pas par notre vouloir que nous tenons devant de vous. Ce n'est que par sa grâce. Amen. Amen. Nous voulons remercier le révérend Désiré de nous avoir accordé ce moment de parler de la part de Dieu, de là où il est. Que Dieu le bénisse. Je voulais te bénir aussi ce soir qui est là. Malgré les occupations, malgré les problèmes, tu t'es fait diligence pour être là, pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut bien me dire Amen? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimé, ce soir nous voulons parler sous-thème. Nous l'avons intitulé La résurrection de Jésus arrête toute limitation de nos vies. La résurrection de Jésus arrête toute limitation de nos vies. Nous voulons lire deux versets comme nous les avons lus le dimanche. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Nous allons lire à partir du premier verset. Et puis nous irons dans Luc chapitre 24. Jean chapitre 21, la Bible dit ceci. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Simon Pierre, Simon Petro, Thomas, Thomas, Didyme, Alitwa, Pacha, Nathanaël de Cana, Nathanaël wa Cana, en Galilée, wa Galilaya, le fils de Zébédée, na wana wa Zebedayo, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Na watu wengine wawili katika wanafunzi wake walikuwa pamoja naye. Je voulais que nous puissions sauter. Tutaruka kidogo. Au verset 7. Alors les disciples que Jésus dit à Pierre, basi huyu mfuasi Yesu alimpenda kamwambia Petro, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mis son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Jésus leur dit, venez manger. Et sachant que c'était le Seigneur, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donnant. Il fit de même du poisson. Amen. Amen. Le livre de Luc, chapitre 24. Nous allons aussi lire quelques parties de ce livre. Nous commençons à partir du verset 13, Luc 24, chapitre 24, verset 13. Luc 24, 13. Je vais lire en français pour aller rapidement. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ?» Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amen. Amen. Bien-aimés, ce soir je voulais partager sur deux points. Le premier point, dans le premier verset, nous allons constater que celui qui nous explique cette histoire, il cite certaines personnes par leur nom. Mais arrivé à certaines personnes, qui étaient aussi disciples comme les autres, on parle des inconnus. Alléluia. Amen. Ils étaient disciples comme Pierre, Thomas, qu'ils ont cités. Mais arrivés à leur tour, on ne sait pas citer leur nom. Bien aimé, je me suis posé des questions. Parce que dans l'autre verset, le verset de Jean que nous venons de vous, que nous avons vu, et le verset de Luc, vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui sont floues. Qu'est-ce que cela signifie? Manayake nini? Il y a certaines personnes dans la vie. Kuko watu wengine mu maisha, tu peux être enfant de Dieu. Unaweza kuyakika mtoto ya Mungu. Tu peux être disciple. Unaweza kuwa hata mwanafunzi. Tu peux être serviteur. Unaweza kuwa mtumishi. Mais méconnu. Lakini wewe haujulikane. Je voulais que nous puissions partager sur ce point. Nilipenda. Parce que ce sont des choses récurrentes. Si à plusieurs reprises on le reprend dans la parole de Dieu, ça veut dire il y a un enseignement que le Seigneur veut que nous puissions entendre et comprendre. On cite Pierre, on cite Thomas, on cite Nathanaël. Celui qu'on avait trouvé sous le figuier. Mais là, on le cite. Mais ceux-là, on ne sait pas les citer. Bien-aimé, dans la vie, il arrive des moments que nous puissions passer à côté de notre histoire. Bien que nous avons eu le temps à marcher et rester à côté du Seigneur, il peut arriver que toute ta vie tu as été à l'église, tu as servi Dieu, tu as fait des choses. Mais dans ce monde, nous passons inaperçus. Je te bénis par l'exhortation de Papa Eric. Il dit, il se réveille le matin, il discute avec quelqu'un. Il parle, il partage et puis il se fixe même. Mais après quelques heures, il est parti. La vie de plusieurs enfants de Dieu est comme la vie de ses disciples. Qui de Genèse jusqu'à Apocalypse, on n'a pas parlé de ceux-là. Bien-aimé, notre vie doit être une vie qui est connue des gens. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit dans le livre de Galates, c'est par le fruit de l'esprit que notre entourage saura réellement que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi cette limitation? Il y a des gens, je crois à la semaine, nous avons dit, papa nous a parlé ici, l'esprit de limitation. Donc, on peut engager les gens. On cite tel. On cite le numéro 1, 2. On arrive au numéro 10. Toi, tu es au numéro 11. Mais quand on arrive au numéro 10, on ferme le dossier. Et on dit c'est fini. Vous revenez une autre fois. Non, en tant qu'enfant de Dieu, notre vie ne doit pas être limitée. En tant qu'enfant de Dieu, notre vie ne doit pas être inconnue. Une vie méconnue des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mais on arrive à citer un. Mais l'autre, on ne sait pas le citer. Maintenant, ma question était celle-ci. Pourquoi on n'arrive pas à citer ceux-là? Bien aimé, nous devons faire très attention. Nous sommes à l'église. Nous sommes tout le temps à l'église. Mais nous devons retenir une chose. C'est de ne pas passer à côté de l'objectif. Alléluia. Amen. Le dimanche, nous avons parlé de Simon. Bien qu'en tant que leader, il a dévié certaines personnes pour qu'il quitte le lieu de la promesse afin d'aller dans le lieu d'angoisse. Mais c'est le même Pierre là à qui Jésus dit, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Bien-aimé, quel est ton statut? Quel est notre statut? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir un statut. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous ne devons pas être floués par le monde. Nous ne devons pas être étouffés par les autres. Le dimanche, nous avons dit que chacun de nous a un destin. Chacun de nous a une destinée. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée et réalise ce dont Dieu t'a appelé. N'entre pas dans les destinées des autres. Ne sois pas floué par les autres. Quand on parlera de la JPC des sources fécondes, qu'on dise à l'époque là de frère David, nous étions avec les frères Eloge, mais toi, bien que tu aies été là, tu es nulle part. Bien aimé, tu as une histoire. Tu as une histoire. Je voulais dire à quelqu'un, les limitations ne sont pas toujours là tous les jours. Il y a un moyen de l'élever. Regardez, ces disciples, que ce soit dans le récit de Jean ou de Luc, quand ils rencontraient Jésus, ils ne savaient pas le reconnaître. Étant disciples, ils rencontrent le Seigneur, mais ils ne savent pas le reconnaître. Ils étaient limités par la vue. Leur intelligence était flouée. C'est pour cela, à un moment, Jésus leur dit, homme sans intelligence, il s'adresse à eux. Il dit, homme sans intelligence. Ça veut dire dans la vie, il y a plusieurs intelligences. Il y a ceux qui ont l'intelligence de faire les mathématiques, résoudre les équations mathématiques. Il y a ceux qui ont l'intelligence d'apprendre plusieurs langues. Mais l'intelligence dont le Christ nous parle, c'est l'intelligence de comprendre sa parole, d'ouvrir l'esprit au travers de sa parole. Vous savez, Cléophas, un moment, il était en train de se louer en parlant à Jésus. Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Le Fils de Dieu a été tué, il a expliqué tout ce qu'il pouvait expliquer. Mais en réalité, Jésus voulait lui dire, homme sans intelligence, parce qu'il n'arrivait pas à traduire ce qu'il était en train de dire et de comprendre même qu'au moment où il parlait, il était en train de parler au Seigneur lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que je parle à certaines personnes dans le Seigneur qui sont hautains ou bien orgueilleux de beaucoup connaître les choses de Dieu, mais sans toutefois comprendre l'interprétation de ce qu'ils lisent et sans toutefois comprendre la signification de cette parole-là. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous devons prendre beaucoup d'attention. Ils étaient disciples comme les autres. Ils étaient disciples comme les autres. Mais je veux te révéler une chose. Ils étaient ensemble. Les Pierre et les autres. Mais pourquoi? L'autre reconnaît que c'est le Seigneur. Et tous étaient là. Ils étaient disciples. La Bible dit, c'est le disciple que Jésus aimait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vivre cette communion avec le Seigneur, l'amour de Jésus dans notre vie, c'est un déclic pour nous ouvrir l'intelligence. Ils étaient tous disciples, mais c'est lui qui dormait sur sa poitrine, c'est celui-là. Un moment il dit c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne soyons pas des disciples superficiels, mais soyons ces disciples qui arrivons à dormir dans la poitrine de Christ. Donc ça veut dire des disciples qui arrivent à connaître réellement qui est Christ. Nous sommes à l'église, nous pouvons passer tout notre temps, bien aimé, mais tant que nous ne nous donnons pas à connaître le Christ, nous allons passer à côté de notre histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient floués. Et pourquoi ils étaient floués? Ils ne savaient pas reconnaître le Christ. Parce que les choses de la parole ne les intéressaient plus. Ce qui pouvait les intéresser, c'est d'aller chercher les poissons. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous pensons plus à notre manger. Nous pensons plus à notre vêtir. Nous pensons à construire des maisons. Nous pensons à acquérir des biens. Mais nous oublions l'objectif premier de connaître réellement le Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à cause des choses du monde, à cause des circonstances ou des problèmes, arriver à reconnaître Christ devient compliqué. Maintenant, écoutez au travers de ces versets, dans les deux cas, pour que leurs yeux arrive à s'ouvrir, il fallait que le Seigneur fasse quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il demande s'ils ont à manger. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Pour que Christ arrive à ôter la limitation qui était de ne pas reconnaître le Seigneur, il leur demande s'ils ont à manger. Dans les deux cas, ils disent, nous avons un poisson. De l'autre côté, nous avons le miel. Dans l'autre récit, on dit, il y a du pain et le poisson. C'est quand Jésus prend ces choses, il leur donne. C'est quand les yeux s'ouvrent. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui ne peut ouvrir les yeux d'un homme, ce n'est que la parole de Dieu, ce n'est que Jésus-Christ lui-même, ce n'est pas tout ce qu'on peut nous dire dans le monde, tout ce que nous pouvons chercher dans le monde. Bien aimé, je te mets à défi. Cherche le Seigneur. Entre en profondeur. Cherche réellement Dieu. Tu ne seras pas déçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les histoires du monde, les biens du monde nous obscurcissent. Mais Christ lui-même, au travers de sa nourriture, nous donne l'intelligence de comprendre le monde. Bien aimé, on nous parle du renouvellement de l'intelligence. C'est pour que nous arrivions à comprendre ces choses. Vous comprendrez que quelqu'un peut être très intelligent en mathématiques, mais quand vous prenez la parole de Dieu, vous lui donnez pour discerner ce qui est écrit, il ne le saura pas. Il faut quelque chose. Il faut qu'il soit renouvelé. Je prie ce soir que le Seigneur renouvelle notre intelligence au travers de sa parole, afin que nous puissions reconnaître réellement qui il est et qu'est-ce qu'il veut réellement pour notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Le renouvellement de l'intelligence. Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître le Seigneur. Mais quand ils ont goûté à la nourriture de Christ, c'est en ce moment-là que leurs yeux étaient ouverts. Bien-aimé, tu veux que les choses s'ouvrent dans ta vie, cherche la nourriture du Seigneur. Allons-y chercher la nourriture et la vraie nourriture. Je me suis posé beaucoup de questions. Dans le jardin d'Eden, le péché est venu par la nourriture. Le péché est entré à Eden, c'est par le manger. Et Christ, quand il vient, regardez, dans Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte. Je fais quoi? Je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai. Je ferai quoi? La Bible ne dit pas que non, celui qui ouvre, je lui donne la vie éternelle. Mais le Christ dit, celui qui ouvre, j'entrerai. Je mangerai avec lui. Et lui avec moi. Donc ça veut dire, manger dans la Bible, c'est un mystère que nous devons arriver à comprendre. Il leur a donné la nourriture. C'est en ce moment-là que les yeux s'ouvrent. Je me suis posé la question. Le monde des ténèbres, tellement qu'il veut copier les choses de Dieu, vous allez voir qu'un sorcier, pour arriver à entrer dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il lui donne une nourriture. Et quand il mange, c'est au travers de cette nourriture-là qu'il entre dans sa vie pour faire tout ce qu'il peut faire. Donc la nourriture, bien-aimée, c'est un mystère pour un enfant de Dieu. Alléluia. Avant de mourir, il les a rassemblés pour qu'ils puissent manger. Ils ont partagé un repas. Et c'était la Pâque. Mais après sa mort, je me suis posé une question, parce que beaucoup disent que le corps de Christ, c'est un corps qui passe par les murs. Oui, c'est vrai. Mais ici, la Bible dit, il a mangé avec eux. Il a mangé avec eux. Il avait quel corps? Point d'interrogation. Bien aimé dans le Seigneur, les situations de la vie, les problèmes de la vie ne doivent pas nous arrêter à chercher réellement le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Tel que tu acclames, le Seigneur fait tomber tout ce qui était comme limitation dans ta vie. Tel que tu acclames, tout ce qui te voilait est en train de tomber maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que dans le temple, la Bible dit, le voile était déchiré. Le voile, c'est quoi? C'est ce qui couvrait. C'était ce qui empêchait de voir. Mais par sa mort et sa résurrection, c'est là que le voile s'est déchiré. Parce que le voile ne pouvait plus encore rester. Il dit, prenez ce corps, mangez, prenez prenez ce sang, buvez. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ça veut dire le manger du corps et du et boire le sang. Donc c'est un mystère perpétuel pour un enfant de Dieu. Donc la seule chose qui pouvait étonner les disciples quand ils rencontrent le Christ, c'était le manger. Ça dit directement, ils comprennent que par cet acte, c'est comme ça qu'on faisait avec le Seigneur. Et ils le fixent. Et il constate réellement que c'était lui. Alléluia. Amen. Aux autres disciples, il a fait la même chose. Et ils étaient seulement deux. Il a aussi partagé les repas. Bien-aimés, les choses du monde, les circonstances de la vie ne doivent pas limiter ta rencontre avec le Seigneur. Ils étaient dans une communion parfaite avec le Christ. Ils pouvaient partager la nourriture ensemble. La Bible dit, j'aimais. On pouvait voir Pierre. On les confond avec Jésus. Du fait qu'ils étaient vraiment familiers et ils étaient ensemble. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher les profondeurs de Dieu. Nous devons chercher l'amour de la parole. Seuls ses disciples que Jésus aimait. La question c'est que Jésus l'aimait pourquoi? Ses disciples pouvaient arriver à dormir sur le torse de Jésus. Quelle communion! Quelle connaissance! Quelle intimité! Et c'est celui-là seul qui parvient à reconnaître. Et Pierre prend sa ceinture, il porte et il se jette dans l'eau. Bien-aimé, se jeter dans l'eau, ce n'est pas une solution. Mais partager les repas, c'est ça la solution. Bien-aimé, ils ont partagé les repas, la Bible dit, ils étaient devenus joyeux quand Jésus était avec eux. Bien-aimé, nous devons comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient affaiblis par les événements. Ils manquaient de la patience dans leur vie. Ils étaient fatigués d'attendre la promesse, les soucis de la vie étaient devenus leur objectif. L'histoire ici de Emmaüs, c'est une histoire qui nous raconte la vie d'une personne qui passe du désespoir à la célébration. Ils étaient désespérés. Parce que Jésus lui-même leur pose la question, triste. Bien-aimés, nos vies sont tellement attristées par des problèmes que si vous commencez à vous raconter tel que nous sommes assis là, que chacun raconte ses problèmes à l'autre. Maman Anto. Maman Anto. Ni mambo. Nous sommes attristés par les problèmes du monde, attristés par les problèmes de la vie, dans notre environnement, les problèmes du pays, les problèmes de la ville, les problèmes dans la famille, mais que toutes ces choses-là ne nous limitent pas. Que toutes ces choses-là ne puissent pas nous obscurcir à ne pas réellement voir le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais parler d'un deuxième point. Vous savez, avant que je n'y passe, vous savez, l'esprit de limitation C'est un esprit qu'il faut combattre. Parce que cet esprit peut nous faire passer à côté de notre histoire. Nous avons un destin. Mais, à un moment, nous nous arrêtons quelque part. J'ai une promesse. Mais cette promesse, tellement que je suis découragé, je laisse. Je ne suis plus patient. Mais je me retrouve sur des chemins qui vont encore plus m'attrister. Il y a des gens qui ont quitté le chemin du Seigneur pour suivre le diable. Il y a des gens qui ont vu leur vie, leur âge écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu suivre le diable. Ils n'ont pas voulu être patients dans la vie. Vie en bangu. Je dois tout avoir maintenant. Bien-aimé, je prie. Pour nous les enfants de source féconde, que Dieu nous ouvre les yeux et que nous puissions réellement voir le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Amen. Je voulais qu'on nous affiche le verset de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous lisons du 2e au 3e verset. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Enfin, dernier, quelle est la volonté de Dieu? Bien-aimé, pour connaître la volonté de Dieu, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc pour discerner ce que Dieu veut de nous, bien-aimé, c'est possible que le matin tu te réveilles, tu poses à Dieu: aujourd'hui je fais quoi? Et Dieu aussi te répond. C'est possible. Pourquoi? Parce que si nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous saurons discerner la volonté de Dieu chaque jour de notre vie. Avant de faire quelque chose, tant que mon intelligence est renouvelée, Dieu est capable de me parler de ce que je dois faire. En réalité, nous pouvons dire: les deux disciples de Maïs, c'était deux aveugles qui étaient en train de marcher. En réalité, c'est ça. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 1, verset 16. Nous avons eu ce thème ici à l'église. Ephésiens chapitre 1, le verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. La suite. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Nous sommes appelés du Seigneur. Nous devons être illuminés. Nos yeux doivent être illuminés pour voir. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Parce qu'en réalité, un enfant de Dieu, ses yeux, c'est au cœur. Alléluia. Amen. De la même façon qu'on peut dire que le diable a quatre yeux. Pour voir. De la même façon un enfant de Dieu a quatre yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire physiquement tu peux voir. Mais quand tu es une personne illuminée, tu as des yeux au cœur qui peuvent aussi voir. Et qui peuvent te communiquer des choses. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la résurrection de Christ, c'est un symbole capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Et cette résurrection, en réalité, est venu enlever les limitations de nos vies. Ça veut dire pour une personne qui était malade, les cellules qui étaient en train de pourrir, quand Christ ressuscite, on enlève cette limitation-là, mais on communique la vie. Par la résurrection du Seigneur, si dans nos familles, il était dit que nous n'allons pas évoluer, mais Christ est venu faire tomber toutes ces barrières-là. C'est pour cela que vous allez voir, la Bible dit du fumier, il relève jusqu'à ce qu'il va s'asseoir sur la table du roi. Alléluia. Amen. Donc les limitations de nos vies n'ont pas leur place. Parce qu'un enfant, un véritable enfant de Dieu, la Bible nous a démontré clairement que ces disciples qui ne savaient plus voir, ces disciples qui étaient limités. Bien, mais quand on parle de l'aveuglement spirituel, ça veut dire que tu n'arrives pas à voir. Tu n'arrives pas à entendre. Tu n'arrives pas à avancer. Donc tu es limité. Une personne aveuglée. Parce que quand tu es aveuglé, tu ne sauras pas marcher. Quand tu es aveuglé, pourquoi nous parlons? Je parle parce que quand je vois Papa Eric, je m'adresse à Papa Eric. C'est comme ça que je parle. Mais maintenant je suis aveuglé. Je ne vois rien. Qu'est-ce que je vais parler? Je ne sais rien dire. Bien-aimé dans le Seigneur. Les limitations de nos vies doivent tomber. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Vu le temps, nous avons 5 minutes. Nous voulons prier. Nous voulons faire tomber toutes les limitations de nos vies. Bien-aimés, si le voile du temple a été déchiré, ça veut dire cette chose, cette maladie, tous ces problèmes qui limitent ta vie, qui limitent ton commerce, qui limitent ton mariage, qui limitent ta richesse, ce qui bloque là doit tomber. J'aimerais que quelqu'un ce soir, comprenant l'importance de cette parole, puisse prier. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu connais mieux ce qui est comme problème dans ta vie. Tu connais mieux ce qui dérange, qui bloque ta vie. Tu connais mieux ce qui limite ta famille. Tu connais mieux. Alors commence à prier. Prie que le Seigneur fasse tomber tout ce qui est comme blocage, tout ce qui limite ta vie, dans le nom de Jésus. Pourquoi on peut citer tous les noms, mais ton nom on ne le cite pas? Non, bien-aimé, tu dois prier. Comment on peut engager des gens? Arriver à ton tour, on ferme les choses et on dit reviens demain. Comment est-ce que toi à ton tour, pour que tu commences le travail, c'est un souci. Bien-aimé, que les limitations de nos vies puissent tomber dans le nom de Jésus. Que toute limitation de ta vie puisse tomber au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas limitée dans le nom de Jésus. Ce que les hommes ont dit, ce n'est pas ce que Christ a dit. Alléluia. Alléluia. Ce que le Christ a dit, ce n'est pas ce que les hommes vont amener pour limiter ma vie, pour limiter ma famille, pour limiter cette église. Bien-aimé, prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie et détruis toute limitation. Tombe, que toute limitation cesse. Le voile du temple a été déchiré de la même façon. Tout ce qui bloque est déchiré dans le nom de Jésus. On te donne le chemin pour entrer dans ton destin, dans ta destinée, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, il y a ceux qui sont limités pour avoir les enfants. Il y a ceux qui sont limités pour avoir le travail. Il y a ceux qui sont limités juste pour la réussite. Il y a ceux qui sont limités pour avoir la promotion. C'est-à-dire dans votre famille, un directeur ne peut pas sortir. Dans votre famille, un ministre ne peut pas sortir. Même un bourgmestre. Même des limitations pareilles. Nous voulons les détruire dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je te rappelle que le voile du temple a été déchiré. C'est pour que toi aussi, tu puisses accéder à ta gloire. C'est pour que toi aussi, tu accèdes à ta destinée. Ta destinée, tu dois la toucher. Ta gloire, tu dois la vivre. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je nous prie de nous tenir debout. Je nous prie de nous tenir debout. J'aimerais que tu puisses détruire cet esprit de blocage qui a dérangé ta famille, qui a dérangé tes enfants, qui a dérangé tes parents. Pour Kizazi qui est nous, c'est compliqué. Les choses n'évoluent pas. Bien aimé, par le sang de Jésus, toi tu n'es pas soumis à ces choses-là. Parce que le voile a été déchiré. Pour que toi aussi tu entres dans ta gloire. Pour que toi tu puisses festoyer avec le Seigneur à la table. Alors commence à prier. Bien-aimé, tu claques les mains. Tu détruis cela dans le nom de Jésus. Nous claquons nos mains. Père, nous détruisons tout blocage, tout ce qui limite la vie de tes enfants, tout ce qui limite la vie de ton peuple, la famille, la promotion, l'élévation, les enfants, la maladie. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et carré bochaïde. Libre rebocha carré bandaraba. Bien-aimé, il y a des choses qui limitent cette église source féconde. Nous voulons prier que ce soir, Dieu fasse entrer cette église dans sa célébration. Que Dieu fasse entrer tous les départements de cette église dans leur gloire. Nous voulons voir et manifester la gloire de Dieu en cette église, dans cette ville, dans cette province. Qu'on parle autrement de cette église. Élève ta voix, bien-aimé, commence à prier. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Remets ton église dans sa destinée. Remets sur ce féconde. Sur le chemin de sa destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je vais déclarer sur toi, par l'autorité de notre Père, Papa Désiré, j'aimerais déclarer sur toi que tous ceux qui pesaient sur ta vie tombent maintenant au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je ne t'entends pas. Que tous ceux qui pesaient sur ta vie puissent tomber maintenant dans le nom de Jésus. Tous ceux qui voilaient ta vie soient déchirés comme le voile a été déchiré dans le nom de Jésus. Tous ceux qui t'empêchaient d'avoir un enfant puissent disparaître maintenant dans le nom de Jésus. Toute maladie qui était comme obstacle pour que tu n'avances pas, cette maladie te libère maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la délivrance du Seigneur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois la délivrance du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois?